Ça vous va? Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un clap encore? Un peu encore, ça marche. Faut un clap à la fin, ça tourne toujours là. Ouais. 3 minutes quoi. C'est... 3 minutes? Ouais, moi j'aime bien les thank you.